Tête de ma mère, au taf donne tout mon temps. Je suis cerné un peu big, toujours élégant. Rebelote, je le refais sans les gants. Ils savent qu'avec ça fâche chaque séance c'est fort. Et puis y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du magie, c'est ce soir. Y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du magie, c'est ce soir. Tu sais, j'ai pas de chip. Moi ça bouge à tout au feeling. À ce qui pleure, créons à San Beach. À San Beach. Kotoko. Mais que nous a cassé la chop, il va réparer. Kotoko. Mais que nous a cassé la chop, il va tout manquer. Y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du magie, c'est ce soir. Y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du magie, c'est ce soir. Y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du magie, c'est ce soir. Y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du magie, c'est ce soir. Toc toc à la porte, deux bouteilles de Jack, santé pour moi ça bouge. C'est ce soir, assieds-toi, prends des notes. Frais patron, je pilote. Droit au but, je pivote. Dieu merci, j'ai la cote. Il a vendu la machin, a volé dans le assis. Il a tout misé au casin. Le patron va avoir la surprise. Y'a la surprise. Y'a la surprise. Y'a la surprise. Y'a la surprise. Si je prends du mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du magie, c'est ce soir. Y'a la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Y'a la surprise. Si je prends du magie, c'est ce soir.